de squelettes grimaçants, bizarrement vêtus. On lit dessous « Cimetière des Capucins ». Qu'est-ce que cela ? Si on le demande à un habitant de Palerme, il répond avec dégoût « N'allez pas voir cette horreur, c'est une chose affreuse, sauvage, qui ne tardera pas à disparaître, heureusement. D'ailleurs, on n'enterre plus là-dedans depuis des années. » Il est difficile d'obtenir des renseignements plus détaillés et plus précis, tant la plupart des Siciliens semblent éprouver d'horreur pour ces extraordinaires catacombes. Voici pourtant ce que je finis par apprendre. La terre sur laquelle est bâti le couvent des Capucins possède la singulière propriété d'activer si fort la décomposition de la chair morte qu'en un an, il ne reste plus rien sur les os qu'un peu de peau noire, séchée, collée, et qui garde parfois les poils de la barbe et des joues. On enferme donc les cercueils en de petits caveaux latéraux qui contiennent chacun 8 ou 10 trépassés. Et l'année finie, on ouvre la bière, d'où l'on en retire la momie, momie effroyable, barbue, convulsée, qui semble hurler, qui semble travailler par d'horribles douleurs. Puis on la suspend dans une des galeries principales où la famille vient la visiter de temps en temps. Les gens qui voulaient être conservés par cette méthode de séchage le demandaient avant leur mort, et ils resteront éternellement alignés sous ces voûtes sombres à la façon des objets qu'on garde dans les musées, moyennant une rétribution annuelle versée par les parents. Et si les parents cessent de payer, on enfouit tout simplement le défunt à la manière ordinaire. J'ai voulu visiter aussitôt cette sinistre collection de trépassés. À la porte d'un petit couvent d'aspect modeste, un vieux capucin en robe brune me reçoit et il me précède sans dire un mot, sachant bien ce que veulent voir les étrangers qui viennent en ce lieu. Nous traversons une pauvre chapelle et nous descendons lentement un large escalier de pierre. Et tout à coup, j'aperçois devant nous une immense galerie, large et haute, dont les murs portent tout un peuple de squelettes habillés d'une façon bizarre et grotesque. Les uns sont pendus en l'air, côte à côte, les autres couchés sur 5 tablettes de pierre, superposées depuis le sol jusqu'au plafond. Une ligne de mort est debout par terre, une ligne compacte, dont les têtes affreuses semblent parler. Les unes sont rongées par des végétations hideuses qui déforment davantage encore les mâchoires et les os. Les autres ont gardé leurs cheveux, d'autres un bout de moustache, d'autres une mèche de barbe. Celles-ci regardent en l'air de leurs yeux vides, celles-là en bas. En voici qui semblent rire atrocement. En voilà qui sont tordues par la douleur. Toutes paraissent affolées par une épouvante surhumaine. Et ils sont vêtus, ces morts. Ces pauvres morts hideux et ridicules, vêtus par leur famille qui les a tirés du cercueil pour leur faire prendre place dans cette effroyable assemblée. Ils ont, presque tous, des espèces de robes noires dont le capuchon parfois est ramené sur la tête. Mais il en est qu'on a voulu habiller plus somptueusement et le misérable squelette, coiffé d'un bonnet grec à broderie et enveloppé d'une robe de chambre de rentier riche, étendu sur le dos, semble dormir d'un sommeil terrifiant et comique. Une pancarte d'aveugles, pendue à leur cou, porte leur nom et la date de leur mort. Ces dates font passer des frissons dans les os. On lit 1880, 1881, 1882. Voici donc un homme, ce qui était un homme il y a 8 ans. Cela vivait, riait, parlait, mangeait, buvait, était plein de joie et d'espoir, et le voilà. Devant cette double ligne d'êtres innombrables, des cercueils et des caisses sont entassés, des cercueils de luxe en bois noir, avec des ornements de cuivre et de petits carreaux pour voir dedans. On croirait que ce sont des mâles, des valises de sauvages achetées en quelque bazar, par ceux qui partent pour le grand voyage, comme on aurait dit autrefois. Mais d'autres galeries s'ouvrent à droite et à gauche, prolongeant indéfiniment cet immense cimetière souterrain. Voici les femmes, plus burlesques encore que les hommes, car on les a parées avec coquetterie. Les têtes vous regardent, serrées en des bonnets à dentelles et à rubans, d'une blancheur de neige autour de ces visages noirs, pourris, rongés par l'étrange travail de la terre. Les mains, pareilles à des racines d'arbres coupées, sortent des manches de la robe neuve, et les bas semblent vides qui enferment les os des jambes. Quelquefois, le mort ne porte que des souliers, de grands, grands souliers pour ses pauvres pieds secs. Voici les jeunes filles, les hideuses jeunes filles, en leur parure blanche, portant autour du front une couronne de métal, symbole de l'innocence. On dirait des vieilles, très vieilles, tant elles grimacent. Elles ont 16 ans, 18 ans, 20 ans. Quelle horreur! Mais nous arrivons dans une galerie pleine de petits cercueils de verre. Ce sont les enfants. Les os, à peine durs, n'ont pas pu résister, et on ne sait pas bien ce qu'on voit, tant ils sont déformés, écrasés et affreux, les misérables gamins. Mais les larmes vous montent aux yeux, car les mères les ont vêtus avec les petits costumes qu'ils portaient au dernier jour de leur vie, et elles viennent les revoir ainsi, leurs enfants. Souvent, à côté du cadavre, est suspendue une photographie qui le montre tel qu'il était. Et rien n'est plus saisissant, plus terrifiant que ce contraste, que ce rapprochement, que les idées éveillées en nous par cette comparaison. Nous traversons une galerie plus sombre, plus basse, qui semble réservée aux pauvres. Dans un coin noir, ils sont une vingtaine ensemble, suspendus sous une lucarne, qui leur jette l'air du dehors par grands souffles brusques. Ils sont vêtus d'une sorte de toile noire nouée aux pieds et au cou, et penchés les uns sur les autres. On dirait qu'ils grelottent, qu'ils veulent se sauver, qu'ils crient « Au secours !» On croirait l'équipage noyé de quelque navire, battu encore par le vent, enveloppé de la toile brune et goudronnée que les matelots portent dans les tempêtes, et toujours secoué par la terreur du dernier instant quand la mer les a saisis. Voici le quartier des prêtres, une grande galerie d'honneur. Au premier regard, ils semblent plus terribles à voir que les autres, couverts ainsi de leurs ornements sacrés, noirs, rouges et violets. Mais en les considérant l'un après l'autre, un rire nerveux et irrésistible vous saisit devant leurs attitudes bizarres et sinistrement comiques. En voici qui chantent, en voilà qui prient. On leur a levé la tête et croisé les mains. Ils sont coiffés de la barrette de l'officiant, qui, posée au sommet de leur front décharné, tantôt se penche sur l'oreille d'une façon badine, tantôt leur tombe jusqu'au nez. C'est le carnaval de la mort que rend plus burlesque la richesse dorée des costumes sacerdotaux. De temps en temps, paraît-il, une tête roule à terre, les attaches du cou ayant été rongées par les souris. Des milliers de souris vivent dans ce charnier humain. On me montre un homme mort en 1882. Quelques mois auparavant, gai et bien portant, il était venu choisir sa place, accompagné d'un ami. « Je serai là, » disait-il, et il riait. L'ami revient seul maintenant et regarde pendant des heures entières le squelette immobile, debout à l'endroit indiqué. En certains jours de fête, les catacombes des Capucins sont ouvertes à la foule. Un ivrogne s'endormit une fois en ce lieu et se réveilla au milieu de la nuit. Il appela, hurla, éperdu d'épouvante, courut de tous les côtés, cherchant à fuir. Mais personne ne l'entendit. On le trouva au matin, tellement cramponné aux barreaux de la grille d'entrée qu'il fallut de longs efforts pour l'en détacher. Il était fou. Depuis ce jour, on a suspendu une grosse cloche près de la porte. Après cette sinistre visite, j'éprouvais le désir de voir des fleurs, et je me fis conduire à la villa Tasca, dont les jardins, situés au milieu d'un bois d'orangers, sont pleins d'admirables plantes tropicales. En revenant vers Palerme, je regardais, à ma gauche, une petite ville vers le milieu d'un mont, et sur le sommet, une ruine. Cette ville, c'est Monreale, et cette ruine, Castellaccio. Le dernier refuge où se cachèrent les brigands siciliens m'attendit. Le maître poète Théodore de Banville a écrit un traité de prosodie française que devraient savoir par cœur tous ceux qui ont la prétention de faire rimer deux mots ensemble. Un des chapitres de ce livre excellent est intitulé « Des licences poétiques ». On tourne la page et on lit « Il n'y en a pas ». Ainsi, quand on arrive en Sicile, on demande tantôt avec curiosité et tantôt avec inquiétude « Où sont les brigands ?» Et tout le monde vous répond « Il n'y en a plus ». Il n'y en a plus, en effet, depuis 5 ou 6 ans. Grâce à la complicité cachée de quelques grands propriétaires dont ils servaient souvent les intérêts et qu'ils rançonnaient souvent aussi, ils ont pu se maintenir dans les montagnes de Sicile jusqu'à l'arrivée du général Pallavicini, qui commande encore à Palerme. Mais cet officier les a pourchassés et traités avec tant d'énergie que les derniers ont disparu en peu de temps. Il y a souvent, il est vrai, des attaques à main armée et des assassinats dans ce pays. Mais ce sont là des crimes communs provenant de malfaiteurs isolés et non de bandes organisées comme jadis. En somme, la Sicile est aussi sûre pour le voyageur que l'Angleterre, la France, l'Allemagne ou l'Italie. Et ceux qui désirent des aventures à la Fra Diavolo devront aller les chercher ailleurs. En vérité, l'homme est presque en sûreté partout, excepté dans les grandes villes. Et si on comptait les voyageurs arrêtés et dépouillés par les bandits dans les contrées sauvages, ceux assassinés par les tribus errantes du désert, et si on comparait les accidents arrivés dans les pays réputés dangereux avec ceux qui ont lieu en un mois à Londres, Paris ou New York, on verrait combien sont innocentes les régions redoutées. Moralité. Si vous recherchez les coups de couteau et les arrestations, allez à Paris ou à Londres, mais ne venez pas en Sicile. On peut, en ce pays, courir les routes de jour et de nuit, sans escorte et sans armes. On ne rencontre que des gens pleins de bienveillance pour l'étranger, à l'exception de certains employés des postes et des télégraphes. Je dis cela seulement pour ceux de Catane, d'ailleurs. Donc, une des montagnes qui domine Palerme porte à mi-hauteur une petite ville célèbre par ses monuments anciens, Monreale. Et c'est aux environs de cette cité haut perché qu'opéraient les derniers malfaiteurs de l'île. On a conservé l'usage de placer des sentinelles tout le long de la route qui y conduit. Veut-on par là rassurer ou effrayer les voyageurs? Je l'ignore. Les soldats, espacés à tous les détours du chemin, font penser à la sentinelle légendaire du ministère de la guerre en France. Depuis 10 ans, sans qu'on sût pourquoi, on plaçait chaque jour un soldat en faction dans le corridor qui conduisait aux appartements du ministre, avec mission d'éloigner du mur tous les passants. Or, un nouveau ministre, d'esprit inquisiteur, succédant à 50 autres qui avaient passé sans étonnement devant le factionnaire, demanda la cause de cette surveillance. Personne ne put la lui dire, ni le chef de cabinet, ni les chefs de bureau collés à leur fauteuil depuis un demi-siècle. Mais un huissier, homme de souvenir, qui écrivait peut-être ses mémoires, se rappela qu'on avait mis là un soldat autrefois parce qu'on venait de repeindre la muraille et que la femme du ministre, non prévenue, y avait taché sa robe. La peinture avait séché, mais la sentinelle était restée. Ainsi, les brigands ont disparu, mais les factionnaires demeurent sur la route de Montréal. Elle tourne le long de la montagne, cette route, et arrive enfin dans la ville, fort originale, fort colorée et fort malpropre. Les rues en escalier semblent pavées avec des dents pointues. Les hommes ont la tête enveloppée d'un mouchoir rouge à la manière espagnole. Voici la cathédrale, grand monument, long de plus de 100 mètres, en forme de croix latine, avec 3 absides et 3 nefs, séparées par 18 colonnes de granit oriental, qui s'appuient sur une base en marbre blanc, et sur un socle carré en marbre gris. Le portail, vraiment admirable, encadre de magnifiques portes de bronze faites par Bonanus Civis Pisanus. L'intérieur de ce monument montre ce qu'on peut voir de plus complet, de plus riche et de plus saisissant comme décoration en mosaïque à fond d'or. Ces mosaïques, les plus grandes de Sicile, couvrent entièrement les murs sur une surface de 6400 mètres. Qu'on se figure ces immenses et superbes décorations, mettant en toute cette église l'histoire fabuleuse de l'Ancien Testament, du Messie et des apôtres. Sur le ciel d'or qui ouvre tout autour des nefs un horizon fantastique, on voit se détacher, plus grand que nature, les prophètes annonçant Dieu et le Christ venu et ceux qui vécurent autour de lui. Au fond du chœur, une figure immense de Jésus, qui ressemble à François Ier, domine l'église entière, semble l'emplir et l'écraser, tant est énorme et puissante cette étrange image. Il est à regretter que le plafond, détruit par un incendie, soit refait de la façon la plus maladroite. Le ton criard des dorures et des couleurs trop vives est des plus désagréables à l'œil. Tout près de la cathédrale, on entre dans le vieux cloître des bénédictins. Que ceux qui aiment les cloîtres aillent se promener dans celui-là, et ils oublieront presque tous les autres avant lui. Comment peut-on ne pas adorer les cloîtres, ces lieux tranquilles, fermés et frais, inventés, semble-t-il, pour faire naître la pensée qui coule des lèvres, profonde et claire, pendant qu'on va à pas lents sous les longues arcades mélancoliques. Comme elles paraissent bien créées pour engendrer la songerie, ces allées de pierre, ces allées de menues colonnes, enfermant un petit jardin qui repose l'œil sans l'égarer, sans l'entraîner, sans le distraire. Mais les cloîtres de nos pays ont parfois une sévérité un peu trop monacale, un peu trop triste, même les plus jolis, comme celui de Saint-Vandrille en Normandie. Il serre le cœur et assombrisse l'âme. Qu'on aille visiter le cloître désolé de la chartreuse de Laverne dans les sauvages montagnes des Maures. Il donne froid jusque dans les moelles. Le merveilleux cloître de Monreale jette au contraire dans l'esprit une telle sensation de grâce qu'on y voudrait rester presque indéfiniment. Il est très grand, tout à fait carré, d'une élégance délicate et jolie. Et qui ne l'a point vu ne peut pas deviner ce qu'est l'harmonie d'une colonnade. L'exquise proportion, l'incroyable sveltesse de toutes ces légères colonnes allant deux par deux, côte à côte, toutes différentes, les unes vêtues de mosaïques, les autres nues, celles-ci couvertes de sculptures d'une finesse incomparable, celles-là ornées d'un simple dessin de pierre, qui monte autour d'elle en s'enroulant comme grimpe une plante. Étonne le regard, puis le charme, l'enchante, et engendre cette joie artiste que les choses d'un goût absolu font entrer dans l'âme par les yeux. Ainsi que tous ces mignons couples de colonnettes, tous les chapiteaux d'un travail charmant sont différents, et on s'émerveille en même temps, chose bien rare, de l'effet admirable de l'ensemble et de la perfection du détail. On ne peut regarder ce vrai chef-d'œuvre de beauté gracieuse sans songer au vers de Victor Hugo sur l'artiste grec qui sut mettre quelque chose de beau comme un sourire humain sur le profil des propylées. Ce divin promenoir est enclos en de hautes murailles, très vieilles, à arcades ogivales. C'est là tout ce qui reste aujourd'hui du couvent. La Sicile est la patrie, la vraie, la seule patrie des colonnades. Toutes les cours intérieures des vieux palais et des vieilles maisons de Palerme en renferment d'admirables, qui seraient célèbres ailleurs que dans cette île si riche en monuments. Le petit cloître de l'église San Giovanni degli Eremiti, une des plus anciennes églises normandes de caractère oriental, bien que moins remarquable que celui de Monréal, est encore bien supérieur à tout ce que je connais de comparable. En sortant du couvent, on pénètre dans le jardin, d'où l'on domine toute la vallée pleine de rangées en fleurs. Un souffle continu monte de la forêt embaumée, un souffle qui grise l'esprit et trouble les sens. Le désir indécis et poétique qui hante toujours l'âme humaine, qui rôde autour, affolant et insaisissable, semble sur le point de se réaliser. Cette senteur vous enveloppe en soudain, mêlant cette délicate sensation des parfums à la joie artiste de l'esprit, vous jette pendant quelques secondes dans un bien-être de pensée et de corps qui est presque du bonheur. Je lève les yeux vers la haute montagne dominant la ville et j'aperçois sur le sommet la ruine que j'avais vue la veille. Un ami qui m'accompagne interroge les habitants et on nous répond que ce vieux château fut, en effet, le dernier refuge des brigands siciliens. Encore aujourd'hui, presque personne ne monte jusqu'à cette antique forteresse, nommée Castellaccio. On n'en connaît même guère le sentier, car elle est sur une cime peu abordable. Nous y voulons aller. Un palermitain, qui nous fait les honneurs de son pays, s'obstine à nous donner un guide, et ne pouvant en découvrir un qui lui semble sûr du chemin, s'adresse, sans nous prévenir, au chef de la police. Et bientôt, un agent, dont nous ignorons la profession, commence à gravir avec nous la montagne. Mais il hésite lui-même, et s'adjoint en route un compagnon, nouveau guide, qui conduira le premier. Puis tous deux demandent des indications aux paysans rencontrés, aux femmes qui passent en poussant un âne devant elles. Un curé conseille enfin d'aller droit devant vous. Et nous grimpons, suivis de nos conducteurs. Le chemin devient presque impraticable. Il faut escalader des rochers, s'enlever à la force des poignets, et cela dure longtemps. Un soleil ardent, un soleil d'Orient, nous tombe d'aplomb sur la tête. Nous atteignons enfin le faîte, au milieu d'un surprenant et superbe chaos de pierres énormes qui sortent du sol, grises, chauves, rondes ou pointues, et emprisonnent le château sauvage et délabré dans une étrange armée de rocs s'étendant au loin de tous les côtés autour des murs. La vue de ce sommet est une des plus saisissantes qu'on puisse trouver. Tout autour du mont hérissé se creusent de profondes vallées qu'enferment d'autres monts, élargissant vers l'intérieur de la Sicile un horizon infini de pics et de cimes. En face de nous, la mer, à nos pieds, Palerme. La ville est entourée par ce bois d'oranger qu'on nomme la conque d'or, et ce bois de verdure noire s'étend comme une tache sombre au pied des montagnes grises, des montagnes rousses, qui semblent brûler, rongées et dorées par le soleil, tant elles sont nues et colorées. Un de nos guides a disparu. L'autre nous suit dans les ruines. Elles sont d'une belle sauvagerie et fort vastes. On sent, en y pénétrant, que personne ne les visite. Partout, le sol creusé sonne sous les pas. Par places, on voit l'entrée des souterrains. L'homme les examine avec curiosité et nous dit que beaucoup de brigands ont vécu là-dedans quelques années plus tôt. Et c'était là leur meilleur refuge et le plus redouté. Dès que nous voulons redescendre, le premier guide reparaît. Mais nous refusons ses services et nous découvrons sans peine un sentier fort praticable qui pourrait même être suivi par des femmes. Les Siciliens semblent avoir pris plaisir à grossir et à multiplier les histoires de bandits pour effrayer les étrangers. Et encore aujourd'hui, on hésite à entrer dans cette île aussi tranquille que la Suisse. Voici une des dernières aventures à mettre au compte des rôdeurs malfaisants. Je la garantis vraie. Un entomologiste fort distingué de Palerme, M. Ragusa, avait découvert un coléoptère qui fut longtemps confondu avec le Polyphila olivieri. Or, un savant allemand, M. Kratz, reconnaissant qu'il appartenait à une espèce bien distincte, désira en posséder quelques spécimens et écrivit à un de ses amis de Sicile, M. Di Stefani, qui s'adressa à son tour à M. Giuseppe Miraglia pour le prier de lui capturer quelques-uns de ces insectes. Mais ils avaient disparu de la côte. Juste à ce moment, M. Lombardo Martorana, de Trapani, annonça à M. Di Stefani qu'il venait de saisir plus de 50 polyphyllas. M. Di Stefani s'empressa de prévenir M. Miraglia par la lettre suivante. « Mon cher Joseph, le Polyphila olivieri, ayant eu connaissance de tes intentions meurtrières, a pris une autre route et il est allé se réfugier sur la côte de Trapani, où mon ami Lombardo en a déjà capturé plus de 50 individus. » Ici, l'aventure prend des allures tragicomiques d'une invraisemblance épique. À cette époque, les environs de Trapani étaient parcourus, paraît-il, par un brigand nommé Lombardo. Or, M. Miraglia jeta au panier la lettre de son ami. Le domestique vida le panier dans la rue, puis le ramasseur d'ordures passa et porta dans la plaine ce qu'il avait recueilli. Un paysan, voyant dans la campagne un beau papier bleu à peine froissé, le ramassa et le mit dans sa poche, par précaution ou par un besoin instinctif de lucre. Plusieurs mois se passèrent. Puis cet homme, ayant été appelé à la questure, laissa glisser cette lettre à terre. Un gendarme la saisit et la présenta au juge, qui tomba en arrêt sur les mots « intention meurtrière », pris une autre route, réfugié, capturé, Lombardo. Le paysan fut emprisonné, interrogé, mis au secret. Il n'avoua rien. On le garda et une enquête sévère fut ouverte. Les magistrats publièrent la lettre suspecte, mais comme ils avaient lu Petronilla olivieri au lieu de Polyphila, les entomologistes ne s'émurent pas. Enfin, on finit par déchiffrer la signature de M. Di Stefani, qui fut appelé au tribunal. Ces explications ne furent pas admises. M. Miraglia, cité à son tour, finit par éclaircir le mystère. Le paysan était demeuré 3 mois en prison. Un des derniers brigands siciliens fut donc, en vérité, une espèce de hanneton, connu par les hommes de science sous le nom de Polyphila ragusa. Rien de moins dangereux aujourd'hui que de parcourir cette Sicile redoutée, soit en voiture, soit à cheval, soit même à pied. Toutes les excursions les plus intéressantes, d'ailleurs, peuvent être accomplies presque entièrement en voiture. La première affaire est celle du temple de Ségeste. Tant de poètes ont chanté la Grèce que chacun de nous emporte l'image en soi. Chacun croit la connaître un peu. Chacun l'aperçoit en songe tel qu'il la désire. Pour moi, la Sicile a réalisé ce rêve. Elle m'a montré la Grèce. Et quand je pense à cette terre si artiste, il me semble que j'aperçois de grandes montagnes aux lignes douces, aux lignes classiques, et sur les sommets, des temples, ces temples sévères, un peu lourds peut-être, mais admirablement majestueux, qu'on rencontre partout dans cette île. Tout le monde a vu Paestum et admiré les 3 ruines superbes jetées dans cette plaine nue que la mer continue au loin, et qu'enferme, de l'autre côté, un large cercle de monts bleuâtres. Mais si le temple de Neptune est plus parfaitement conservé et plus pur, on le dit, que les temples de Sicile, ceux-ci sont placés dans des paysages si merveilleux, si imprévus, que rien au monde ne peut faire imaginer l'impression qu'ils laissent à l'esprit. Quand on quitte Palerme, on trouve d'abord le vaste bois d'oranger qu'on nomme la Conque d'Or, puis le chemin de fer suit le rivage, un rivage de montagnes rousses et de rochers rouges. la voie enfin s'incline vers l'intérieur de l'île et on descend à la station d'Alcamo Calatafimi. Ensuite, on s'en va à travers un pays largement soulevé, comme une mer, de vagues monstrueuses et immobiles. Pas de bois, peu d'arbres, mais des vignes et des récoltes. Et la route monte entre deux lignes ininterrompues d'aloès fleuris. On dirait qu'un mot d'ordre a passé parmi eux pour leur faire pousser vers le ciel, la même année, presque au même jour, l'énorme et bizarre colonne que les poètes ont enchantée. On suit à perte de vue la troupe infinie de ces plantes guerrières, épaisses, aiguës, armées et cuirassées, qui semblent porter leur drapeau de combat. Après 2 heures de route environ, on aperçoit tout à coup 2 hautes montagnes, reliées par une pente douce, arrondies en croissant d'un sommet à l'autre, et au milieu de ce croissant, le profil d'un temple grec, d'un de ces puissants et beaux monuments que le peuple divin élevait à ses dieux humains. Il faut, par un long détour, contourner l'un de ces monts, et on découvre de nouveau le temple qui se présente alors de face. Il semble maintenant appuyé à la montagne, bien qu'un ravin profond l'en sépare. Mais elle se déploie derrière lui et au-dessus de lui, l'enserre, l'entoure, semble l'abriter, le caresser. Et il se détache admirablement avec ses 36 colonnes doriques sur l'immense draperie verte qui sert de fond à l'énorme monument, debout, tout seul, dans cette campagne illimitée. On sent, quand on voit ce paysage grandiose et simple, qu'on ne pouvait placer là qu'un temple grec et qu'on ne pouvait le placer que là. Les maîtres décorateurs qui ont appris l'art à l'humanité montrent, surtout en Sicile, quelle science profonde et raffinée ils avaient de l'effet et de la mise en scène. Je parlerai tout à l'heure des temples de Girgenti. Celui de Segeste semble avoir été posé au pied de cette montagne par un homme de génie qui avait eu la révélation du point unique où il devait être élevé. Il anime à lui seul l'immensité du paysage. Il la fait vivante et divinement belle. Sur le sommet du mont, dont on a suivi le pied pour aller au temple, on trouve les ruines du théâtre.